Bonjour. Bienvenue dans ton activité de français. Ne t'inquiète pas, nous allons apprendre ensemble, petit à petit. À la fin de cette séance, tu sauras te présenter en français. C'est parti!